As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. 7, Edge of Sanity, Balsagot, Star One, Galactic Cowboys, and more. Salut, Sylvain Latour, de retour encore une fois pour Subversion, édition du 18 décembre 2015. Aujourd'hui, je vous ai préparé un spécial interstellaire avec des pièces qui traitent de récits ou de discours musicaux à caractère intergalactique ou spatial, et ce fut tout un défi de retrancher, en passant plus d'une vingtaine de bonnes chansons de circonstances dans une longue liste. Donc c'est en parallèle avec la sortie officielle aujourd'hui même du nouveau film de Star Wars, The Force Awakens. Nous avons la chance de vous présenter un entretien avec Chewie, non pas le partenaire de Han Solo, mais celui de Snake, Away et Rocky. Ouais, je sais, ouais. Oui, les dates, les nouvelles dates de tournée pour Voivode en 2016. Oui, on va y revenir dans la... Oui, Chewie, on va y revenir dans la deuxième moitié. Donc, c'est ça, j'ai eu la chance de converser avec Dan Mongrain, le guitariste de Voivode, revenu d'un long périple en Europe et en processus de matérialiser de la nouvelle musique pour la nouvelle année. Alors, ça risque d'être fort intéressant pour les fans du groupe à ne pas manquer à la mi-temps. Donc, on y va tout de suite avec ce premier bloc à caractère intergalactique. On aura Assassin, Ariane Lucassen, le projet collectif Star One et Galactic Cowboys. Alors, allons-y avec ce spécial interstellaire. Engage. Watch it, you've got one on your tail. We'll be right back. Cowboys, formation de Houston, avec une pièce qui s'intitulait Pump Up the Space Suit de 1991. C'était tiré de leur premier album Galactic Cowboys. C'est précédé de Ryan Lucassen, Star One, ce projet collectif avec la pièce Human See, Human Do. C'était paru en 2010 sur l'album Victims of the Modern Age. Album dont toutes les pièces sont basées sur différents films de science-fiction qui ont marqué Lucassen. La pièce qu'on a entendue est inspirée par Planet of the Apes de 1968 du réalisateur Franklin Schaffner. Évidemment, Ryan Lucassen, vétéran de la scène métal hollandaise, invité traditionnellement pour ce projet, tout comme Iron d'ailleurs, différents vocalistes d'un peu partout pour combler les postes des personnages qui figurent dans ces récits fantastiques, fantaisistes. Donc, dans cette pièce-là, on avait entendu Russell Allen de Symphony X, Damien Wilson de Threshold, Dan Swano de Edge of Sanity et Floor Jensen de After Forever. Donc, c'était dans ce premier bloc où on a entendu en introduction Assassin avec Interstellar Experience de 1988. Donc, prochain bloc, on va y aller encore plus loin dans le interstellaire ou l'intergalactique avec la formation québécoise Augury, le projet de Dan Swano, Edge of Sanity. Mais d'abord, Balsagoth, ce groupe britannique qui est un peu dans l'ombre de Cradle of Filth à l'époque, sous le même label, faisait déjà une musique très stellaire, très audacieuse. Donc, on va entendre la pièce titre de leur deuxième album, paru en 96, Starfire Burning Upon the Icefield Throne of Ultima Thule. Sur le stream d'Underground Québec, vous écoutez Subversion, partout à travers la galaxie.

c'était notre ami Pat Loisel avec la formation québécoise Augury. La pièce étant Alien Shores, c'est paru sur en 2004, évidemment, de l'album Concealed, mon album de l'année 2004 définitivement. C'était précédé de Edge of Sanity, qui était devenu alors le projet solo de Dan Swano. C'était une pièce, en fait c'était deux extraits de l'album Crimson 2 qui se veut une pièce complète de 43 minutes, qui est la suite du fameux Crimson de 96. Donc on a entendu Covenant of Souls et Face to Face. Et au début du bloc, c'était Balsagoth avec la pièce titre de l'album de 1996, Starfire Burning Upon the Icefield Throne of Ultima Thule. C'est une des pièces les plus courtes à prononcer sur l'album en passant. Comme annoncé en début d'émission, le segment consacré à Voivod avec l'entrevue avec le guitariste Daniel Mongrain, alias Chewy. J'ai eu la chance de m'entretenir avec lui suite à ce long voyage en Europe, 35 concerts dans 15 pays en 38 jours. Et donc, il va nous en parler un peu plus longuement, dont leur passage à Paris quelques jours après les attentats. Voivod, on vient d'annoncer évidemment des dates pour la première partie de la tournée US 2016 avec Vector. Ça se déroulera du 6 février. En fait, cette première portion sera du 6 février au 5 mars. Ils visiteront 21 villes américaines. Deux dates canadiennes ont été rajoutées, mais pas Montréal encore. Donc, Montréal pas confirmé au moment où on se parle, du moins pour le début mars. Alors, on espère bien les voir à ce moment-là. Donc, sans plus tarder, voici ce segment consacré à Voivod avec l'entrevue avec Dan Mongrain. Make it so. Watch it, you've got one on your tail. Il me fait un grand plaisir de m'entretenir avec nul autre que Dan Mongrain, alias Chewy de Voivod. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Ça coïncide bien parce que le spécial qu'on va avoir vendredi, en fait aujourd'hui même, pour ceux qui nous écoutent en direct pour la 13e de l'émission Subversion, Chewy, la présence de Chewy va coïncider avec un spécial interstellaire qui va coïncider avec la sortie du nouveau film de Star Wars. Je pense que tu es encore un fan de Star Wars. Oh, ben écoute, ça fait partie de... J'étais un peu... j'ai hâte de voir le film, en fait. J'ai pas trop pensé, mais ça revient tranquillement, là. ça pop-up de partout dans le monde. Oui. On voit du Star Wars partout, dans des endroits où on voudrait voir peut-être autre chose. Mais il y a tout le temps Darth Vader, Chewbacca, un vaisseau de Star Wars qui apparaît des vitrines. Moi, ouais, c'est peut-être le côté obscur, justement, de tout ça. D'ailleurs... Moi, je me rappelle de t'avoir vu en passant, une anecdote comme ça pour les auditeurs. Je t'avais déjà vu au Maquisard, à Trois-Rivières, pour un spectacle de martyr où tu avais personnifié Darth Vader, finalement. C'est vrai, je m'étais promené dans la salle avec un costume de Darth Vader pendant le show des premières parties où, ça n'avait aucun rapport avec rien. Ouais. C'est que j'attirais des drôles de regards, mais je pense que même sur le stage, j'avais mis le costume pour une joke, puis on avait joué un petit bout de Star Wars à l'époque. Ouais, c'était comique. Oui, c'est un bon souvenir en tout cas. Pour revenir à Voivod, en fait, vous êtes revenu d'un long périple en Europe. Je pense que c'était 35 spectacles en 38 jours avec Napalm Death, Carcass, Obituary. Toi, comment t'as vécu cette aventure-là? Puis, c'est quoi tes principaux highlights, finalement, de cette tournée? Ben, premièrement, on était deux autobus de tournée avec 35 personnes, incluant les bandes puis le staff. ça a super bien été, malgré le fait qu'on pensait être un peu à l'étroit là-dedans. On l'était, mais c'est tous des vieux routiers. Hein. On a tous fait de la tournée, on sait tous comment se comporter, puis respecter les autres, se respecter soi-même. Fait que ça a plus fait des liens d'amitié, puis des belles rencontres, du monde qui se connaissait déjà, où je connaissais déjà les gars de mes bandes. J'avais jamais touré avec Carcass ou Obituary. Ben on s'est tous on est vite devenu une grosse équipe de 35 personnes. Ensuite de ça, ben la tournée a super bien été. Des salles combles à tous les soirs. Quand c'était pas sold out, c'était plein. On avait un build de l'enfer. C'était la tournée à ne pas manquer en Europe cet automne, tu sais. Je compare souvent une tournée à parce que c'est devenu populaire ces dernières années, mais les aventures de Bilbo le Hobbit, tu sais, dans le sens où on part de notre petit village, on s'en va tuer des dragons, brosser avec des nains, puis ça peut être la fête ou la bataille, tu sais, mais on vit des aventures incroyables, on voit des paysages féeriques, apocalyptiques, urbains, de campagne, puis on revient chez nous, puis c'est comme si le temps s'était arrêté, puis il n'y a rien qui a changé quand on vient, puis c'est à peine si on voit pas le monde vendre notre stock à dehors de notre appartement parce qu'on était pas là, là, tu sais, un peu comme Bilbo. Mais c'est un peu ça à chaque fois. Mais à la longue, à force d'en faire, ben on le sait qu'on va avoir un petit temps en revenant, puis que les murs vont être un peu plus petits dans l'appart ou dans la maison, puis ça prend peut-être une semaine à décanter tout ça, puis à être sur le hype pendant une couple de jours, après ça d'avoir un peu les blues de la tournée, puis ça se restabilise. On s'en compte assez vite. Oui. Chaque soir est un highlight, chaque journée est un highlight, puis c'est un peu ça aussi, l'intensité de la tournée. Écoute, de voir des bandes comme Carcass, Napalm, performer à tous les soirs, puis de livrer la marchandise à tous les soirs, puis aussi d'être constant nous autres mêmes. Toute la tournée, puis l'espèce de sobriété qui existe dans le band en ce moment, sobriété au niveau pas nécessairement de pas consommer de l'alcool, mais dans le sens de fraternité, on vit des belles années en ce moment. Vraiment le fun. As-tu un souvenir précis de votre passage à la Cigale de Paris? Ça a dû être assez particulier quand même comme ambiance, étant donné les événements qu'il y a eu le mois passé. Écoute, c'était complètement capoté ça. On était à Leipzig en Allemagne. J'avais passé une super journée. J'étais allé voir l'église où Jean-Sébastien Bach a travaillé pendant 27 ans. Une belle visite là, historique, tu sais. Puis bon, on avait des familles là-bas aussi. Puis à un moment donné, nous autres, après notre show, après le show de mes pendettes, ou pendant mes pendettes, je ne sais plus trop. Ça a pété, tu sais, puis on était bloqués sur le streaming des nouvelles, puis on était, tu sais, des Américains, des Anglais, des Suisses, puis des Canadiens, fait qu'on réagissait tous différemment, on avait toutes des perspectives différentes par rapport à ce qui se passait, c'était quand même étrange de voir ça, mais on était tous secoués, tous sous le choc, puis ça a tout changé le reste de la tournée. C'est sûr que les sécurités dans toutes les autres... deux jours après, tu sais, la sécurité dans toutes les autres choses était beaucoup plus efficace, plus serré, beaucoup plus présente. Mais on a joué à Berlin deux jours après, puis il n'y avait aucune sécurité. Berlin étant une disciple de l'ISIS, tu sais, on avait peur un peu, c'est sûr, on était tous un peu nerveux en même temps, mais on disait, on essayait de d'intellectualiser tout ça, de rationaliser tout ça, puis fallait continuer. Notre réflexe était de continuer. C'est pas pareil quand ça pète à côté d'une coupe d'heure de route, puis que ça pète quand t'es au bord de l'océan. Hein. C'est pas le même feeling pantoute. On savait qu'on allait jouer à Paris, qu'on allait jouer à Tandisville, dans des pays qui étaient ciblés, puis on y a pensé de canceller Paris, mais on s'est dit que si le show était on, puis que si la sécurité était là, puis que la salle disait que c'était correct, puis que le pays et la ville reprenaient la vie, tu sais. Mais on allait, c'était un peu notre devoir aussi d'y aller. Puis on y a été. Puis on est sorti, j'ai marché dans la ville, puis l'esprit était à la fête plus que jamais. Ouais. C'était peut-être la période la plus safe à aller jouer là-bas parce qu'il y avait des mitraillettes, des gars d'armée dans la ville, la police. T'sais. On a décidé, après un meeting avec tout le monde la veille, de faire le show. Puis le monde, ils veulent vivre, hein? Le monde veut reprendre la vie comme elle était. Ouais, puis ça resserre des liens, des drames comme ça, malheureusement, ouais. Là, mais je veux dire, heureusement en même temps. C'était bien spécial, mais je suis fier de nous autres, toute la gang, puis je suis bien content de. Puis je suis fier des gens de Paris qui sont présentés avec une fougue, puis une vivacité, puis un désir de vivre. Au spectacle puis dans la ville. C'était beau à voir malgré tout ça. C'était un peuple qui est très résilient. C'était comme encore plus significatif d'être en chum puis de jouer, tu sais, puis on a fait une espèce de super band avec Shane puis le Sandman de Nathan Pamdette qui ont un projet ensemble. On a joué une tune avec tout le monde de chaque band sur le stage. Pour finir la soirée, c'était un genre de joke, mais en même temps, le monde ont embarqué au bout, puis tu sais, Snake avait une ballon rose, des mains, puis une casque de construction, puis tout le monde était un peu niaiseux, là, on rigolait, puis ça chie. C'est une belle note positive de niaiserie, comme on sait bien le faire. Let's go. Ben, vous avez fait des nouvelles sessions de studio depuis l'été passé. Comment se profile le nouveau matériel et quelles seraient selon toi les principales différences avec le précédent album, soit dans la composition ou dans tout le processus d'enregistrement? Ben, ce qui est cool, c'est que, ben, un peu comme Target Earth, l'album d'avant, où tout le monde mettait la main à la pâte, les nouvelles tunes, on est vraiment connecté, tu sais, c'est le cas de le dire. Ouais. On travaille vraiment ensemble, là, tu sais, dans le local, à décortiquer des trucs, à lancer des idées, à se réajuster selon les idées qu'on a eues. Puis c'est toujours la tune qui est passe, tu sais, c'est... Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de... C'est libre, puis facile de faire des décisions, puis changer de virer de bord quand ça marche pas, puis d'abandonner une idée quand elle n'est pas bonne ou qu'elle marche pas, ou de la changer, tu sais. L'idée, quand elle est jouée, l'idée ou le bout de toune, quand elle est jouée, puis qu'il y a des oreilles qui l'ont entendue, ça appartient plus à personne, ça appartient au collectif, puis chaque personne a le droit de modifier ou de façonner l'idée pour que ça marche. C'est la meilleure façon de faire pour ce qui est de la composition. Puis on fait beaucoup d'improvisation ensemble, puis ça prend forme vraiment dans le local de répétition, au lieu de composer des affaires tout seul, puis chacun de notre part, puis d'arriver, puis de faire le plus exactement pareil possible de ce qui a été pensé au départ, ben, tout se transforme, tout évolue dans le local. Fait que c'est vraiment équipant, c'est un travail d'équipe que moi, j'ai jamais vécu avec aucun autre band avant. Je pense que c'est la meilleure façon de faire de la musique. Et en studio, ben, on a notre chum Francis qui était dans Decay Remains avant, qui a son studio à Mont-Carmel, en Mauricie. Un beau studio. Dans sa maison, il s'est bien installé au bout, puis c'est un grand fan de Voivod aussi. Rocky, en fait, le bassiste, c'était... Puis moi, on le connaît bien, Francis, mais Rocky avait déjà fait des sessions avec. Fait que il a pensé à nous comme réunir, puis ça a super bien fonctionné. Puis à chaque fois qu'on y retourne, on a une meilleure façon de fonctionner. Là, puis ce qui est le fun des nouvelles tunes, c'est qu'on joue tout en même temps. On enregistre tout en même temps. On se regarde, on est dans la même pièce, puis on connecte vraiment. Ça peut pas être plus musical que ça. Puis c'est moi personnellement, je ferais jamais plus d'enregistrement individuel autant que possible. Puis on joue ensemble, puis c'est tellement plus organique, puis plus senti. C'est merveilleux. La couleur des tunes à cette heure, ben nous autres, on était bien des fans de côté rock et trash, là, le mélange des deux. Alors ça va rester, c'est sûr. Les nouvelles tunes, c'est assez progressif, mais c'est mélodique, mais ça peut se pitcher d'un bord ou de l'autre à la dernière minute. Je pense que ça reste dans les couleurs typiques de Voivod, mais évidemment, c'est 4 personnes différentes avec une nouvelle chimie, c'est rafraîchissant. Il y a des éléments nouveaux. Moi, je suis pas pili. Je fais mes affaires à moi, à travers l'esthétique du band. Puis Rocky a sa personnalité. C'est un très bon compositeur, très bon bassiste, avec des lignes très complémentaires à la guitare. Puis Snake est très impliqué dans les mélodies. Fait que ça reste du Voivod assez vite quand on écoute les nouvelles pièces. On n'est pas dépaysé de la couleur originale ou unique du band, mais probablement que sans aucun doute, il y a des nouvelles couleurs, ça c'est sûr. Là, on a 5 pièces d'enregistrer qui vont sortir en janvier sur un EP pour la tournée américaine qu'on va faire en février. Donc, ça va donner une idée un petit peu plus détaillée de ce qui s'en vient côté musique. On a bien hâte d'entendre ça. Justement, pour 2016, à part le EP et puis la tournée que tu viens de mentionner, qu'est-ce qui, en résumé, qu'est-ce qui s'en vient pour Voivod en 2016? Ben, c'est sûr que en février, bon, on fait une tournée aux États-Unis de toute la côte Est. Donc, pendant cette tournée-là, on va écrire aussi du matériel dans le tour bus. On va continuer à composer des tunes. Aussi, après ça, on a une tournée un peu plus tard dans l'année pour faire la côte Ouest. C'est le même principe. Puis, cet été, on va faire des festivals en Europe. Et puis, on parle de tournées aussi à l'automne qui va se concrétiser pour ailleurs. Donc, ça va être une année très occupée. Moi, depuis que je suis dans le groupe, c'est pas mal l'année la plus occupée, là, 2015-2016, que j'ai vécu. Ouais. Fait que c'est très bon signe. Puis, au travers de tout ça, on va composer puis enregistrer aussi pour finir l'album. Bon, en tout cas, on a bien hâte d'entendre tout ça, puis bien hâte aussi de vous revoir en concert ici à Montréal, sûrement. Oui, écoute, ça ne saurait tarder. Moi, je te remercie grandement, Dan. Toujours un plaisir de te parler. Je te remercie. Continue ton bon travail de propagande métalloïde interstellaire. Yes! Yes. À la prochaine, Dan. À la prochaine. Salut, bien. Au plaisir. much in the after, so much on the future. We are made for us.